Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Où est-il conseillé de vivre, du point de vue de la santé ? À la ville ou à la campagne ? Vaste question, et cela dépend bien sûr des époques. De la santé, on passera à l'intelligence et au caractère méditatif du rural. Première diffusion sur la chaîne parisienne, le 29 décembre 1947. Du milieu rural et du milieu urbain, quel est maintenant celui qui est le plus favorable au développement physique et intellectuel du jeune Français ? C'est la question que nous posons ce soir. Autour du micro sont réunis Roland Maspétiol, conseiller d'État. Le révérend père Georges Allot, directeur du Centre national d'études rurales. Michel Cépède, professeur à l'Institut national agronomique. Et Jean Gatron, inspecteur général de l'agriculture. Le docteur Morard nous a envoyé une contribution écrite à ce débat que va mener Paul Guimard. Eh bien, messieurs, la question que nous vous proposons ce soir est, vous le savez, la suivante. Le milieu rural est-il plus ou moins favorable que le milieu urbain à la santé physique et morale de ses habitants? Et il semblerait que la question ne se pose même pas tant on a vanté les charmes de la vie au grand air. Et pourtant, le docteur Morard, qui devait participer à cette émission mais qui s'en est trouvé empêché, nous a envoyé par écrit ses conclusions. Ses conclusions qui peuvent en somme se résumer ainsi. La vie en groupe dense, par conséquent la vie urbaine, est avantageuse pour à peu près tous les animaux, de la moule à l'homme. Les zoologistes et les physiologistes, tels que Allais et Binet, le démontrent. L'homme groupé contribue à la création, et beaucoup plus qu'on ne le croit d'ordinaire, à l'entretien d'une élite physique et intellectuelle, c'est-à-dire tend à réaliser l'idéal de toute nation consciente de ses destins. En effet, le docteur Morard avait, lui, formulé ainsi la question. Quels sont les états de santé respectifs des ruraux et des citadins? Ou, en d'autres termes, la vie menée par nos paysans, au grand air, occupés à de rudes travaux et frugalement alimentés, est-elle un idéal au point de vue hygiène? Et le docteur Morard avait conclu, le bilan est nettement défavorable aux ruraux. Il en donnait les raisons suivantes. Chez les citadins, le bébé fait ses dents plus tôt, les fillettes deviennent plutôt des adolescentes, les cheveux et les iris sont plus foncés et la résistance vis-à-vis de la maladie est augmentée. La gestante est moins exposée aux travaux de force et par conséquent donne naissance à des enfants plus gros et plus vigoureux. Les enfants ne sont pas exposés à faire des travaux trop durs pour eux et le sport est mieux et plus efficacement pratiqué. Et le docteur Morard nous donnait ces quelques raisons de l'état de choses qu'il exposait. Chez les citadins, on dispose de soins médicaux plus rapides et plus savant, la nourriture est plus variée et comprend en temps normal, et je suppose que en temps normal devrait être souligné, plus de viande, et enfin les facultés mentales sont plus sollicitées et mieux entraînées que dans l'isolement rural. Par conséquent, conclusion nettement défavorable à la vie rurale et la symphonie pastorale terriblement battue en brèche. Mais encore une fois, le docteur Morard a tout de même un peu restreint le champ de notre question puisqu'il ne s'est placé que du point de vue physique et dans une certaine mesure intellectuelle. Alors si vous voulez, cela nous pourrait nous servir de base, de démarrage pour notre conversation. Michel Cépède. Bien, en effet, je crois que l'étude doit commencer par le point de vue physique. Et les constatations du docteur Morard sont des constatations que l'on peut faire actuellement. Ce qui fait qu'elles paraissent extraordinaires, c'est qu'elles paraissent en contradiction avec ce que l'on avait l'habitude de considérer comme la comparaison entre la santé des ruraux et des urbains. On avait l'habitude de dire autrefois, par exemple, que les classes rurales fournissaient les meilleurs conscrits, oui. Tandis que actuellement, on est bien forcé de constater que très souvent, les milieux urbains fournissent des jeunes gens qui sont en meilleur état. Et le docteur Morard souligne les raisons. D'une part, parce qu'il y a eu un développement de l'éducation physique dans les milieux urbains qui a précédé et de loin celle que l'on peut avoir encore actuellement dans les régions agricoles. Et deuxièmement, le fait que les enfants, et même leurs mères quand elles les portent, sont astreints souvent à des travaux qui les déforment ou qui les fatiguent. Par conséquent, là, il y a déjà quelque chose. Il y a un second point qui, à mon avis, est essentiel, c'est celui de l'alimentation. Guimard a eu tout à fait raison tout à l'heure de nous dire que la question de l'alimentation en viande était très importante et était très importante en période normale. Et j'en tirerai même un argument en faveur de la thèse du docteur Morard, puisque les ruraux ayant, du fait de leur isolement plus grand, consommé plus de viande pendant cette guerre et même depuis que les citadins, on a vu la santé des citadins diminuer, tandis qu'au contraire, la santé des ruraux s'améliorait. Eh bien, dans ces conditions-là, nous avons bien la preuve que la déficience que nous avions observée, que le docteur Morard souligne, entre l'alimentation urbaine, entre l'alimentation rurale par rapport à l'alimentation urbaine, a comme conséquence un abaissement des conditions de la santé à la campagne. Et vous seriez par conséquent tout disposé à rejoindre dans une certaine mesure les conclusions du docteur Morard? Dans une certaine mesure, en nous plaçant, par exemple, dans la période qui a immédiatement précédé le conflit mondial. Tout à fait d'accord. Roland Maspétiol. Il faut tenir compte essentiellement de ce que, depuis plus d'un siècle, les ruraux avaient bénéficié, dans une mesure beaucoup moins grande que les citadins, de l'ensemble des conditions qui avaient amélioré le niveau économique et social de vie de la population. Une des conséquences de la guerre et de l'après-guerre a été de permettre aux ruraux, dans une certaine mesure tout au moins, de rattraper sur certains points le retard, et notamment les conditions d'amélioration de leur nourriture depuis 1939 se traduit déjà par une certaine amélioration à ce point de vue. Néanmoins, le retard demeure important, c'est qu'en effet, à des points de vue très nombreux, les ruraux demeurent placés, notamment au point de vue de l'habitat, dans des conditions très inférieures à ce qu'elles devraient être. Oui, bien entendu, mais enfin, tout de même, pour un profane, ça peut sembler un petit peu étonnant tout ça, parce que on parle toujours de l'amélioration de l'habitat rural, et c'est parfaitement normal, c'est un problème très important, mais enfin, c'est pas entre un taudis dans une banlieue parisienne et un taudis à la campagne, j'ai tout de même l'impression que le taudis à la campagne est, disons, moins malsain. Dans toutes les régions où il y a encore des sols en terre battue, où les conditions, où l'humidité pénètre d'une manière constante dans les maisons, dans toutes les régions également où l'adduction d'eau n'est pas réalisée et où il faut que la femme aille au loin chercher à la fontaine, parfois à plusieurs centaines de mètres de l'eau, il y a une tâche écrasante qui, au point de vue physiologique, constitue une charge extrêmement lourde pour les paysannes. Jean Gatron. Je rejoindrai volontiers Roland Maspétiol sur ce qu'il vient de dire en commençant, à savoir que les campagnes ont bénéficié depuis quelques années des avantages qui étaient jusqu'à présent réservés aux citadins en matière d'alimentation. Ainsi, avant la guerre, on consommait en France environ 1700 000 tonnes de viande. Je ne crois pas, d'après les dernières statistiques du ministère de l'Agriculture, que l'on dispose en France de plus de 1200 à 1300 000 tonnes de viande. Or, la consommation des ruraux a augmenté très notablement pendant cette guerre. De plus, ils ont eu à leur disposition, beaucoup plus que les citadins, le lait, qui est un aliment irremplaçable. Or, les protéines, les matières azotées qu'apportent principalement la viande et le lait sont absolument nécessaires à la vitalité d'un peuple. Cette alimentation azotée, bien meilleure à la campagne qu'à la ville, a compensé les avantages que pouvait avoir le citadin avant la guerre. Malheureusement, je crains que l'évolution de la situation économique n'amène bientôt les paysans à perdre le terrain qu'ils avaient gagné. Pour donner une idée, par exemple, de ce que pouvait être la différence entre la consommation d'un citadin et la consommation de rural, nous saurons que vers 1890-95, un Parisien consommait 97 kilos de viande par an. Il en consommait avant la guerre environ 1 kilo par semaine. La consommation moyenne de la France était d'environ 40-42 kilos. La comparaison des deux chiffres indique une diminution de la moyenne générale par rapport à la moyenne de la consommation de Paris, et cela est dû à la faible consommation relative des campagnes. Mais voyons, je m'excuse de revenir encore aux conclusions du docteur Morard, mais elles sont tout de même assez frappantes. Il nous dit « La vie en groupe dense est avantageuse pour à peu près tous les animaux, de la moule à l'homme. » J'avoue que je n'ai pas de lumière particulière sur les conditions d'existence des moules, mais pour les hommes, ça me paraît tout de même surprenant, Perallo. Il faudrait distinguer le point de vue physiologique et le point de vue intellectuel. Oui. Si l'on parle... Mais je m'excuse, là, le docteur Morard se place précisément à ces deux points de vue. À ces deux points de vue. Et conclut de la même manière pour les deux aspects du problème. C'est ça qui me semble surprenant. Sur le plan intellectuel, je ne crois pas qu'il y ait de discussion. Mais sur le plan physiologique... Sur le plan physiologique, nous avons fait au Centre national d'études rurales un certain nombre d'analyses d'alimentation et nos constatations rejoignent celles de M. Gatron. Partout, on constate un déséquilibre. Et ce déséquilibre semble tenir au manque d'échange, ce qui irait à la thèse du docteur Morard. On consomme en général ce que l'on produit sur sa ferme. Comme l'on ne produit pas tout, on a de gros déséquilibres dans l'alimentation. Déséquilibres souvent surprenants. Ici, c'est un excès de graisse, de beurre. Là, c'est un excès de viande. Mais cela semble bien tenir au manque d'échange, donc au manque de vie groupée. Eh bien, alors, si vous voulez me permettre, maintenant, il y a un aspect du problème tel que nous le posions dans notre question de début, que nous n'avons pas encore envisagé, qui est le problème moral. Et alors là, il ne se pose pas du tout pour les moules, et nous pourrons donc laisser de côté les conclusions du docteur Morard, mais il se pose pour les hommes. Père Allo. Pour les hommes, j'abonderai encore dans un sens, dans le sens du docteur Morard, car une chose que j'ai bien souvent constatée dans les milieux de jeunes, c'est le manque d'expression de la pensée. On ne sait pas se servir de la langue française, on dispose d'un vocabulaire assez restreint, et en tout cas, on est inférieur en conversation à l'homme de la ville. Cependant, je me garderai de conclure à ce stade-là. Lorsqu'il m'a été donné, et c'est couramment, d'aborder les jeunes, je constate, s'il n'y a pas ce brillant, une santé intellectuelle qui me paraît extrêmement robuste et qui tient au contact d'une nature non truquée. Le jeune rural se refuse en général à accepter des mots, des idées toutes faites et éprouve un instinctif besoin de repasser cela par son expérience. Cela va moins vite que la conversation de l'urbain, mais je crois que c'est plus profond et c'est moins psittaciste. Michel Sépène. Bien, je serais volontiers d'accord avec le père Allot sur ce qu'il vient de dire. Cependant, je crois qu'il est nécessaire de tenir compte du fait que, tant au point de vue physique qu'au point de vue intellectuel et moral, les contacts et les rapports entre les hommes ont certainement comme résultat d'épanouir les personnalités individuelles. Je crois qu'il y a effectivement dans l'isolement du rural et dans sa méditation au contact de la nature, dans la mesure où il en a une conscience suffisante, car bien souvent les jeunes ruraux, comme les jeunes urbains d'ailleurs, sont capables de vivre dans un milieu sans en profiter comme il se doit. Et par conséquent, dans ces conditions, on peut se demander si le milieu, même s'il est favorable, aboutit naturellement sans un éveil et sans des contacts avec d'autres personnes qui ont déjà compris le milieu, s'il est suffisant pour créer une santé intellectuelle et morale suffisante. Mais je crois que effectivement, il y aurait des bases pour un meilleur état intellectuel et moral à la campagne. Malheureusement, je crois qu'il y a plus de moyens pour profiter du milieu à la ville qu'il n'y en a à la campagne. Jean Gatron. L'opinion du docteur Morard me semble justifiée et vérifiée par tout ce que viennent de dire d'ailleurs le père Allot et Michel Sépède. Et je crois que le jeune rural se trouve apparemment en retard au point de vue intellectuel. Et nous parlons actuellement du point de vue intellectuel et laissons de côté quelques instants encore le point de vue moral. Parce qu'il se trouve en face d'une civilisation qui n'est pas la sienne. Et il a été appelé en une génération à se servir d'un langage qui n'était pas celui de ses parents, pas celui de la tradition au village. L'éveil de l'intelligence à la campagne, le développement de la vie intellectuelle à la campagne, tiendra d'abord à deux choses. À ce qu'on refera des villages, à ce qu'on refera l'unité du village. En effet, je crois la vie collective, la vie en groupe, éminemment nécessaire au développement de la vie intellectuelle et aussi à l'entraide qui est indispensable à toute vie sociale. Ce qui a fait la richesse de la vie sociale dans nos villages autrefois, c'est qu'on s'y entraidait encore et qu'à cause de divisions survenues depuis malheureusement trop longtemps, on ne s'y entraide plus assez. Et puis, le jeune rural, comme je l'ai dit tout à l'heure, se trouve en face d'une civilisation mécanisée, d'un langage pseudo-scientifique qui n'est plus le langage de la tradition de son métier, et il a une certaine difficulté à comprendre le rapprochement de cette civilisation avec le milieu dans lequel il vit. Roland Maspétio. Les observations de Gatteron me paraissent tout à fait pertinentes. On peut cependant ajouter que dans les régions d'habitat dispersés, on constate souvent que les habitants des hameaux et des écarts sont intellectuellement et moralement souvent supérieurs dans l'ensemble, tout au moins, aux habitants des bourgs. Souvent, ce sont dans ces milieux écartés que l'on trouve les familles ayant le sens rural le plus prononcé, les plus fortement attachées aux conditions de vie paysanne, et cela tient, semble-t-il, à ce que les conditions assez dures de leur vie quotidienne les obligent à plus de maturation, et lorsque on se trouve en présence d'éléments ayant des qualités de fond sérieuses, leur permet de s'élever plus haut sur l'échelle sociale. Père Allot. Il me semble que toutes ces remarques sont extrêmement justes. Le jeune rural manque d'un certain nombre de moyens d'éveil, et il y aurait assez peu à faire pour que cela apparaisse et se traduise à l'extérieur. Cela n'a en effet pas été réalisé la plupart du temps. Cependant, ce caractère méditatif du rural porte des témoins dans le passé. Je crois que lorsque cette évolution actuelle aura un peu avancé, nous retrouverons ces richesses d'une civilisation paysanne qui sont encore inscrites à l'heure actuelle dans toute cette sagesse paysanne que possédaient si bien les anciens, que l'on rencontre encore chez eux, et qui se traduit dans tous ces proverbes extrêmement riches de philosophie et de sentiments. Michel Cépède. Bien, je crois qu'on peut conclure assez rapidement de la façon suivante. Il y a dans le milieu rural des possibilités considérables de développement, aussi bien physique qu'intellectuel que moral. Malheureusement, pour arriver à les utiliser, il faut arriver à une école du groupe, une école sociale, une vie sociale à la campagne. Or, cette vie sociale est encore plus importante, comme le faisait remarquer Gatteron tout à l'heure, parce que la vie agricole moderne n'est plus la vie ancienne. Autrefois, la tradition, puisque l'agriculture n'avait peu changé depuis des millénaires, la tradition pouvait être l'école. Aujourd'hui, la tradition ne serait plus que la routine. Et par conséquent, ce qu'il faut, c'est qu'une vie sociale s'installe, que des contacts s'installent entre les ruraux pour leur permettre de profiter du milieu dans lequel ils vivent. Et dans ces conditions-là, on peut espérer revoir la courbe, si je puis dire, de la vie sociale et intellectuelle et de la vie physique des ruraux, retrouver la courbe progressive que dont les urbains ont profité dans les dernières années. Le révérend père Georges Allot, Michel Cépède, Jean Gatteron, Roland Maspétiol et le docteur Morard ont exposé et discuté les états de santé respectifs des citadins et des ruraux. Ce débat de la Tribune de Paris, mené par Paul Guimard, a été diffusé pour la première fois sur la chaîne parisienne le 29 décembre 1947. Vous pourrez le réécouter en ligne ou le télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».